Et il y aura donc des contacts, des relations supramentales entre d'autres formes. Alors, il y aura, comme on pourrait appeler sur le plan planétaire, différentes races. Il y aura donc différentes races de corps éthériques bleus. Il y en aura des jaunes, il y en aura des verts, il y en aura des rouges, il y en aura plusieurs sortes. 12 à finaliser sur le plan planétaire. Un 13e sera accompli dans les quelques journées à venir. Et il y en a d'autres avant. Il y en a pour tout cela dans le super univers. Lorsque le même travail sera accompli dans le super univers, d'ailleurs, c'est-à-dire, lorsque vous connaissez que c'est un cycle d'octave, ça se refera dans la crête. Et à un moment donné, ça sera ça l'arrêtera. C'est encore physique à prononcer deux fois, c'est vraiment tragique. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, oh, c'est parce que les ténors en haut, là, tu ne pas ce que ça va. Parce que j'ai arrêté, j'étais conscient, puis j'étais pas ça, c'est vraiment mental. Je n'en vois pas si mental. Ça, ça ressemblait à mantra, en méditation. Oh, ça n'a rien à voir. C'est une dame ou ça, c'est quoi? Si le passé et le corps n'ont rien à voir avec l'évolution, quel est le rôle de l'imitation du corps physique? Le rôle de l'imitation du corps physique est de permettre à l'ego de continuellement conserver dans sa conscience astrale l'idée de l'évolution. Alors, il n'y a pas d'imitation du corps physique. Ce que je dis est parfaitement vrai. Et évidemment, c'est parfaitement faux. Mais parfaitement vrai. Tant que nous sommes assujettis à évoluer, c'est ce que je dis vrai. Et lorsqu'ils ne seront plus assujettis à évoluer, ils seront parfaits. Alors, évidemment, ce que je dis ne s'adressera plus à vous. Mais il y a encore énormément de facettes sur vous qui allez continuer à évoluer. Alors, il y aura des sécrétions pour obliger le corps à cheminer. On a des explosions d'énergie à l'intérieur et le corps va cheminer dans le temps. Pas dans l'espace. Dans l'espace, ça prend aussi de l'énergie. C'est trop, en gros. Alors, la cellularisation, c'est l'acceptation inconditionnelle de l'ego d'un nouveau corps. Alors, il s'agit de l'agresser. Nous sommes ce que nous sommes et nous ne changeons pas. Ça veut dire que la journée, nous n'allons pas être capables de passer la main à travers le mur. Nous n'aurons pas changé. Cela veut dire que la journée où nous allons revenir, en réalité, nous allons constater que nous avons toujours été jeunes. Nous n'avons jamais été vieux. La journée où la peur ne nous dérange plus, parce que nous n'avons jamais eu peur. Alors, du point de vue de l'être, comme ça, du point de vue de l'homme, on pourra parler de cellularisation, parce que dans sa mémoire, il mémorise ce que c'était ailleurs, et il pense que c'est lui. Coupez-vous un ongle, très proche du doigt. Et si vous êtes conscient, vous allez dire, vous êtes pas comme ça. Et là, votre ego va vous dire, oh, mais il y a un ongle sur la table. Et vous allez dire, souvent, il y a un ongle sur la table. Et on essaie de me jouer le jeu que l'ongle a déjà été sur mon doigt. Et je l'ai coupé. C'est une illusion. Et un an après, sans toucher votre ongle, vous allez pour remarquer qu'il est plus long. Dans l'illusion, vous allez remarquer cela. Dans la réalité, c'est vous qui êtes comme ça. Un jeu de mots. Parce que ça, je peux vous le prouver. Mais la mémoire, prouvez-moi là. Si il y a un jeu de mots qui part, c'est bien sûr pour ça. Pas dans ce qu'on peut prouver. Je peux vous prouver que vous êtes là. Et vous ne pouvez pas me prouver que vous prenez une pause tout à l'heure. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Et même pas bouger. C'est pas correct. C'est un effet. Demain, on n'aura jamais été. Tellement simple. Alors, toute la structure, l'illusion, l'évolution, le passé, le corps,

que c'est parti en partie dans ce corps-là. C'est dans cette illusion de forme qui joue ce jeu-là. Et à un moment donné, ben, tu embarques dans celui qui veut être humé, et qui finalement est demi-terre, ben, tu embarques là-dedans. Embarque donc dans le corps de celui qui ne fume pas. Comment faire? Ben, comment faire? Il ne faut pas que tu corriges par l'ego. Sinon, tu vas encore embarquer dans le corps de celui qui veut être fumé, et qui lutte pour être fumé. Tu fais partie de l'événementiel, tu fais partie des faits qui se trouvent que celui qui veut arrêter ça, et finalement, recommence. Et embarque dans le corps de celui qui l'a fait. Est-ce que l'ombre de forme du corps dans lequel tu vas embarquer aide? Ça va aider. Pourquoi? Parce que si tu t'habilles différemment, en partant, tu n'embarques pas dans le même corps. Tu n'embarques pas dans le même corps. Tu parles différemment, agis différemment, bouge différemment. Il y a toujours cette astrale qui essaie de te récupérer. Bon, c'est bon, mais tu vas te réveiller, tu changes. Non, tu embarques dans le corps. Parce qu'on a, on a combien de corps qui nous attendent? Il y a celui qui touche, celui qui parle, celui qui regarde. Celui qui maquille, celui qui travaille, celui qui chiale, celui qui offre. C'est normal. Quand à un moment donné, tu rentres dans un corps qui met en colère, bien souvent, le haut de la conscience n'a pas de temps, elle ne peut plus embarquer dans ce corps-là. Alors, le corps est à la colère. Quand ta conscience astrale, si on en change dans un corps qui est à la colère, qui redevient celui qui n'est pas colérique, dans cette conscience sur celui-là, elle a toujours été dans le corps calme. Elle attendait que le reste arrive dans le corps calme. Avec la mémoire, tu penses d'avoir ça. Tu es capable de le faire de façon non égoïque. Par exemple, actuellement, tu as un corps malade, mais c'est bien d'avoir un corps en santé. D'avoir la vie d'un corps en santé. D'avoir déjà habité un corps en santé. J'ai jamais habité un corps en santé. Tu habites un corps malade. Actuellement. Oui. Tu ne peux pas retourner dans l'ancien. Il n'y a pas jamais eu d'ancien. Qu'est-ce que veut dire retourner dans le passé, sinon aller dans l'avenir? Ou aller dans un corps semblable à celui. Mémorialement, c'est déjà connu. Mais pas que tu le connais mémorialement, tu le connais présentement mémorialement. Mais tu ne l'as pas connu mémorialement. C'est que tu le recrées. Pas le réhabiter. Pourquoi le réhabiter? Tu l'as jamais habité, puis tu l'habiter demain. Ah, c'est ça. Oui. Mais le re, non. Et c'est important parce que toute la structure de la pensée est faite en fonction du re. Et on travaille vers quelque chose qui n'existe pas. C'est vers l'illusion. Alors, c'est peut-être similairement la même chose dans la réalité, mais il y a une différence totale. Ben, regardez la photo du paysage de ta fenêtre, ou regardez le paysage de ta fenêtre, pas mal. Tu vas à la chasse, c'est mieux d'aller ailleurs que dans un arcade. C'est bon. La simulation est la même, mais c'est ça la plus intéressante. Exactement comme quand je dis que l'astral te donne l'inverse de la réalité, et quand tu connais le principe, te donne l'inverse de l'inverse de la réalité. L'inverse de l'inverse de la réalité, mathématiquement, c'est la réalité. Et pour l'astral, c'est pas la réalité. La structure sera efficace, sera réelle. Mais lui ne le sait pas. Donc elle te donne l'inverse de l'inverse. Il ne se rend pas compte qu'elle te donne l'inverse de l'inverse. Dans la mathématique actuelle, tu donneras la réalité. Il ne le sait pas. Il le saurait. Il te donnerait l'inverse. Et par la suite, il te donnerait deux inverses et il te ferait enchanter deux. Ça serait encore une fausse ça. Et deux, c'est pas. Alors, quand tu veux fonctionner dans la réalité, tu ne peux pas dire, oh, mais réhabiter, aller dans le passé, ça fait partie de mon avenir. Hein? Je ne suis pas dans le passé, j'embarque dans une machine à voyage dans le temps, et là, dans mon avenir, à moi, je régresse dans le passé, c'est mon avenir. Il a fallu que j'aille 25 ans, puis après 25 ans. C'est moi, c'est mon avenir, régresser dans le passé. Tu comprends? Oui. Mais pour l'astral, c'est régresser dans le passé, mais pour la réalité, c'est progresser dans l'avenir. Sauf que dans l'un des cas, dans celui qui régresse est dans l'astral, l'astral n'a pas de conscience, l'astral vieillit, l'astral ne fonctionne pas. Celui qui va dans l'avenir est autre chose. Pourquoi il y a une immense différence entre réintégrer le corps ou intégrer le corps? Je ne peux pas. C'est l'astral qui gère, tu peux parler comme tu parlais. C'est le mental qui gère, tu peux parler comme tu parles. Donc, il y a une nuance mentale, c'est l'astral qui gère, ça ne fonctionnera pas. Ça va fonctionner dans l'illusion. Pas dans la réalité. Si je n'existais pas, je n'existe donc pas plus maintenant, puisque la conscience n'existe pas, c'est pas si haut temporellement. Comment peut-elle exister temporellement et non spatialement? Elle n'existe pas. De dire qu'il faut une preuve pour prouver qu'on a déjà existé n'est pas logique puisqu'il faut prouver par une illusion qu'une illusion existe. Est-il possible qu'on ait existé même sans preuve? La conscience n'existe effectivement pas. Qu'est-ce qui existe au niveau du fait temporel? De l'illusion. Ce n'est que de l'illusion. Que de l'illusion. La conscience n'existe pas. On pourrait dire qu'elle est là, mais elle n'est pas là. Mais ça n'existe pas. C'est préexistentiel. Mais ça a des incidences dans l'existence. Alors, du point de vue humain, ça existe. Mais pas comme on le conçoit. Ça n'existe pas. Mais c'est là, c'est pas là. Pas trouver des mots, Mandami. On dirait que la vie ne fait pas le moine, en réalité, c'est faux. Ben, la vie fait le moine. La vie fait le moine. C'est pour ça que quand tu viens un moine, ça ne révèle pas la vie, on ne te reconnaît pas comme moine. Bon. Rentre chez l'État, puis refuse de s'habiller sur leur uniforme. C'est pas le sens. Ce qu'on doit comprendre au niveau de la conscience de la vie, etc., c'est que l'illusion existe. L'illusion n'a pas existé, il existe dans la mémoire. Dans la mémoire, il a existé, donc ça lui donne la possibilité de conserver l'impression qu'il existe dans, dans l'actualité. Mais, c'est ça. Parfois, quand je trouve quelque chose de drôle et que je sais que ça ne doit pas paraître, j'ai beaucoup de difficultés à me contrôler. Ça dépend de quoi et comment que je fais. Maintenant, vous posez la question convenablement. Est-ce que vous avez des difficultés à vous contrôler, ou à contrôler votre ego, ou à contrôler votre corps physique, ou à contrôler... Mais pas à vous contrôler, vous, vous contrôlez sans problème. Qu'est-ce que ça dépend qu'il y ait des personnes qui n'ont pas l'esprit vite pour comprendre des choses simples et qu'elles comprennent des choses compliquées, alors que pour d'autres, personne ne comprend. Ça dépend de la valeur émotive que l'ego apporte à l'énergisation neuronique pendant l'explication d'un phénomène. Pour certains, quand 3 ou 4 neurones inexacts sont stimulés, parfait. Pour d'autres, il faut 25 000, 30 000 neurones de stimulés qu'on puisse prétendre que là, c'est nécessaire. Alors, ça dépend simplement de la valeur émotive et énergétique que va donner l'ego à la stimulation biologique. Alors, on va demander à quelqu'un, on va lui faire un gros, gros problème, on va lui dire, sortez par le nez, on va s'en aller. Non, pas ça. Si on lui donne trop d'explications, là, il y a on lui trompe. Il y a trop de neurones qui fonctionnent, puis l'ego n'arrive pas à trouver dans le paquet de neurones lesquels trois neurones il va prendre comme solution. Il y en a d'autres, et bien, comme je le disais, on doit remplir la boîte. Alors, c'est pas assez rempli. Donc, on répète le même mot avec 25 000 synonymes. La personne a dit « Ah! » Elle a dit. La conscience est instantanée et donc ne peut observer le changement. Qu'est-ce qui observe le changement? Le changement, c'est la mémoire qui observe qu'elle meurt. Donc, c'est l'ego qui observe le changement. C'est bien ça l'évolution. Est-ce que tu veux dire que lorsque l'on fait une promesse ou autre genre, que c'est déjà passé, comme d'un mois ou deux, cela est déjà mort, et comme cela ne peut être libéré, soit de tout notre passé, et on peut faire comme si on commencerait toujours avec. Non. Non. Non. On ne doit jamais faire comme. Il faut attendre le bon moment pour telle ou telle chose. Si la conscience peut plier l'espace-temps, pourquoi doit-elle attendre que l'ego soit prêt? Quand tout veut plier l'espace-temps, tous les espaces-temps réels seront individuels. Le Christ a-t-il été utilisé ce procédé pour quitter la crèche? Oui. C'est à sa conscience plier l'espace-temps, pourquoi doit-elle attendre que l'ego soit prêt?

me demande si c'est la fin, elle va voir. Si elle est rendue là, elle va savoir. Je ne sais pas pour y répondre, elle va savoir. Oui ou non. Le cours d'orateur, c'est comme n'importe quel cours. Garantissez-moi le produit du bar, je vais vous garantir le résultat. Du coup, de parler de création, il y a encore beaucoup de questions. Ah, oui, on est encore du temps. Une étoile que Marion aurait-elle un jour agi dans le processus de constitution émotionnelle de l'humain, c'est-à-dire dans le processus d'implantation de l'âme chez l'humain? Quel est le cas? Comment un processus de négocialisation, de conscientisation qui amène à la destruction de l'âme et à la destruction du monde de la mort, de l'astral, peut-il agir sur l'étoile d'Orion, sur ce qui la contrôle? Sur quel contrôle? Ce qu'on doit comprendre à travers ces mécanismes, c'est qu'Orion, il y a eu d'autres étoiles qui ont eu. Il y a beaucoup de processus astrales qui ont été créés en provenance d'Orion. D'autres places, puis Orion est encore présentement extrêmement présente à l'intérieur de. Le monde astral n'existe pas. On est tous d'accord avec ça. La matière n'existe pas, l'astral n'existe pas. Et continuellement, à travers l'évolution du cheminement évolutif, on doit cesser de s'attacher à tout. Dans le début, on dit ne faites pas confiance. C'est simplement une façon systématique et instructive de dire attachez-vous pas. À qui devons-nous faire confiance? Personne. Quand on me dit à vous, Suquette, je prends non. Et je renchéris en disant même pas à vous. Ne vous faites pas confiance. Moi, je ne suis pas bon. Alors, je ne suis pas bon. Mais il n'aime pas plus bon ça. Tous les débuts. Et quand on veut préciser un peu, on dit ne vous attachez pas. Pas à vous, pas à moi, pas au voisin, pas à l'automobile, pas au plafond, pas au compte en banque, pas à votre linge, pas à votre corps. Pas des concepts, pas des idées, pas des désirs. Ne faites pas confiance à rien, inclus à l'humain, une chose. Ne vous attachez pas. Si on ne s'attache pas, comme dans Libertad, on parle de l'astral. On en parle beaucoup. On va en reparler. Mais on ne devrait pas en reparler. La question de l'ego, c'est de quoi on va parler si on s'attache à rien. On ne parlera plus. Ça va être là. Il y a de l'ego. On va parler de l'astral. Aujourd'hui, je complique et je simplifie. Mais je peux élaborer énormément et puis j'utilise des vibrations pour simplifier. C'est pas trop bon. C'est là. Alors, attachez-vous pas. C'est quand des questions de leur tête, là. Attachez-vous pas à cette question-là. Attachez-vous pas à l'impensement. C'est le bon. Une expérience extrêmement intéressante et extrêmement améliorante qu'on peut faire, c'est quand on se couche, on ferme les yeux et puis on voit quelque chose. Maintenant, on ne contrôle pas ce que l'on voit. On laisse ce qui est là. C'est le fait de ça. C'est de circuler de l'énergie. Si on parvient à faire ça, on est tout proche. La majorité des gens, ils vont fermer leurs yeux, puis à un moment donné, ils vont voir quelque chose, et ils vont penser, ah, on dirait du fleur, même si c'est pas, ils vont essayer maintenant de voir les pétales, ils vont essayer de faire des choses avec. Oh, elle n'a pas la couleur qu'on voulait, puis là, c'est en sorte de voir si ça touche au décor. C'est à lui. Pas vous, pas ça. Et si vous vous attachez, c'est à vous autres. Mais vous vous attachez à une mécanique où il n'y a pas de débarbé, vous ne contrôlerez pas.